Chut, chacun. La grâce délicate. Un vertige complètement. Rien de mieux que de ne pas se gêner. Plus à froid, plus sans froid. Regardez plus à froid de vous accepter. L'univers méchant a dévoré l'expérience et a pris sa place. Prudemment, elle m'a rendu. C'est un pas. Méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Comme il importe de constater, elle m'a rendu Luc. C'est un pas. Deux petits hérissons qui ne croient pas. Hérissons qui ont jeté un chien qui n'a pas refusé. L'épiderme soigneuse escalée. Il fallait loger la lune a été interceptée par le feu. La lune n'est pas plus grande que celle-là. Il y a un cœur, c'est pas grave. Je restais compromis. J'ai pas envie de ce chemin. En regardant l'entrée avec ses parents. Il fait bon mal. Je ne suis pas trompé. Elles ont fait de la compétence. Les deux parties chargent une forme derrière. Et j'ai pris le tremblement à l'organe de son bec. Qui n'avait jamais pensé élever la vue sur moi. C'est peut-être la haine que tu veux que j'évoque dans le commencement de cet ouvrage. Qui te dit que tu n'en veux de par là, baigner dans d'innombrables renoncés tant que tu voudras, avec tes narines orgueilleuses, larges et belles, en te renversant de moi, pareil à toi, dans la nuit noire, comme si tu étais en train de cet acte. Thank you. nuit sauvage de ce vendredi noir ont plongé dans la détresse des familles entières. Et cette détresse est d'autant plus profonde qu'il ne peut pas y avoir d'explication rationnelle qui justifierait l'exécution aveugle de dizaines de personnes anonymes. Si la haine et la mort ont une logique, elles n'ont pas de rationalité. Bien sûr, nous avons besoin de dire des mots. Nous avons besoin que des mots soient dits et que nous les entendions. Mais nous sentons tous que ces paroles ne vont pas très au-delà d'un réconfort immédiat avec l'irruption aveugle de la mort. C'est la situation de chacun d'entre nous qui devient incontournable. Le croyant, comme tout un chacun, est confronté à cette réalité inéluctable, proche ou lointaine, mais certaine. Notre existence est marquée par la mort. On peut essayer de l'oublier, de la contourner, de la vouloir douce et légère, mais elle est là. La foi, aucune foi ne permet d'y échapper. Et nous sommes acculés de nous-mêmes, à répondre de nous-mêmes vers qui dans cette épreuve, faire confiance au palliatif, plus ou moins efficace ou plus rare, faire confiance à notre Dieu, qui est le Dieu de la vie. Le psalmiste nous soutient pour mettre sur relève la prière de la foi et de l'espérance. Tu ne peux m'abandonner à mort, parce que leur conviction intérieure fait de l'air fort et elle chasse nos soleils. Thank you.